L'éveil du printemps. Tragédie enfantine de Hayat Fayez. Première partie. Il est quelle heure? Faut y aller. Elle monte lentement. C'est impressionnant. Elle est toute proche, là. Plus proche, ce serait pas possible. Il y aurait une collision. Tu imagines? Une collision entre la Terre et notre planète. Oui, mais faut y aller. Si je tends ma main, on dirait que je la touche. C'est vrai. En faisant attention, tu peux même voir des fleuves. On y va? Je peux pas m'empêcher de la regarder. Le cours va commencer. Elle est très bleue. Il y a plein d'océans sur la Terre. Je sais. Il y a un bout de l'Europe là-bas. Tu vois? C'est la France. École française de Platognon. Cours de français. Un soir de printemps, j'ai vu un monsieur maigre avec un chapeau molon. C'est comme ça qu'on dit en français, monsieur, chapeau molon, comme le fruit? Oui. Chapeau. Dis juste chapeau. Je préfère chapeau molon. Très bien. Chapeau molon. Continue. Un soir de printemps, j'ai vu un monsieur maigre avec un chapeau molon attendre devant les voitures. On ne voyait que les phares des voitures qui passaient vite dans l'obscurité. Les voitures traversaient la route. Il y en avait beaucoup et elles roulaient vite. On sentait l'air de la nuit, le léger vent doux. Et un peu de tristesse, je ne sais pas pourquoi. Plus je regardais le monsieur maigre avec son chapeau molon, moins je le voyais. Je veux dire que je commençais à rêver. Et lui aussi, je crois qu'il rêvait, parce qu'il ne bougeait pas. Même quand il pouvait traverser la route, parce qu'il n'y avait pas de voiture, il ne bougeait pas. Alors j'ai compris qu'il rêvait. Et alors je le regardais encore, mais je ne le voyais plus. Je ne sais plus à quoi je pensais. Je pense que je ne pensais à rien. Je pense que je sentais juste le léger vent doux. Le vent du soir, oui, je sentais ça, mais je ne pensais à rien. J'étais devenu le vent du soir, peut-être. Et soudain, dans le soir et le léger vent doux, j'ai senti une forme avancer vers la route, pendant que les voitures filaient vite. D'un coup, trois pas en avant. Comme si la route était une mer, comme si elle se jetait dans la mer. Il y a eu aussitôt un choc. La voiture a propulsé un corps tout en tournant sur elle-même. Un animal contre une voiture. Je me répétais ça. Un animal. Un animal. Un animal. Puis j'ai vu un chapeau molon sur l'asphalte. C'est vrai que ça mérite des applaudissements. Très bien. Très bien, va t'asseoir. Histoire un peu triste, mais bon, la vie est triste. A va se rasseoir à sa table. B est à côté de lui. Tu me l'avais jamais raconté, celle-là. Devant l'école française de Platognon, A et B s'allument une cigarette. Rien. Pas même elle est ultra sexy. Mais... Nature, 100% nature. Il n'y a pas eu... Un instant. Non, rien, j'ai cru qu'elle revenait. Pas un seul... Elle est canon. Oui. Sa peau est moins bleutée que celle de nous tous. C'est vrai. J'ai jamais vu un platoninien ou une platoninienne si peu bleutée. Elle est presque blanche. Quel sein elle a. Oui. Mais pas un regard, rien. Elle ne cherche pas à attirer l'attention, c'est tout. Ça fait longtemps que tu l'as remarqué? Quelques jours déjà. Et? Et quoi? Je veux dire... Ah oui? Alors? Je n'ai pas compris. Et elle ne t'a pas adressé un seul regard depuis que tu l'as remarqué? Mais comment veux-tu que je le sache? Si ça se trouve, elle me regarde sans cesse du coin des yeux. Tu sais, regarder du coin des yeux sans les faire bouger. Là, par exemple, je regarde la terre du coin des yeux, mais tu crois que je te regarde. Je crois que c'est une fille réservée. Oui, mais... Mais? À mon avis... Vas-y. À mon avis, elle est ultra réservée. C'est ce que j'ai dit. Non. Non, tu as dit elle est réservée. Moi, je dis elle est ultra réservée. Tu vois la nuance? Tu veux dire... Oui. Jamais? Jamais. Tu crois? J'en suis sûr. A et B se promènent dans un parc aride. Le ciel est boursouflé de nuages rouges. Parfois, le soleil apparaît avant de disparaître. On voit la terre au loin. J'adore la regarder comme ça. Des heures et des heures. Sans rien faire. Tu parles d'elle comme si c'était une fille. J'aime la terre. Pas toi? Je suis pas amoureux d'elle, non. J'ai l'impression de mieux la connaître que Platonion. C'est marrant. J'ai de super souvenirs de ce parc. Je n'ai aucun bon souvenir de Platonion. Arrête. Je te jure. Tu l'as apporté? Quoi? Ton numéro de téléphone. A lui montre un petit bout de papier. Là. C'est tout? Juste plié une fois? Deux fois. C'est pas super discret. Si tu le plies trop, le bout de papier risque de glisser entre les doigts de la nana. Si j'étais toi, je le plierais plus. Une fille aussi réservée ne va jamais se trahir devant tout le monde. Elle ne va jamais se risquer à le prendre s'il est trop visible. Jamais, crois-moi. Une fille aussi mignonne a déjà eu des tas de propositions. Elle n'est plus naïve. Elle sait comment se préserver du regard des autres. Elle est trop sexy. Trop sexy. Trop sexy. Il s'allonge sur l'herbe sèche. Et si elle prend ton numéro de téléphone par... Par? Par... dépit. Par quoi? Par dépit. Si elle prend ton numéro, mais ne t'appelle pas. Et j'attends le lendemain, pour lui demander pourquoi. Tu fais toujours comme ça? Non, non. Si la nana n'appelle pas, je laisse tomber, je passe à la suivante. Mais là, la nana est canon. Faut pas lâcher prise. Ça fait du bien de rester allongé comme ça. Oui. Tu crois vraiment qu'elle ne l'a jamais fait? Tu crois vraiment qu'elle ne l'a jamais fait? Je crois. Une telle fille ne peut pas ne pas l'avoir fait. Ça fait des années qu'elle voit des hommes tourner autour d'elle comme des abeilles. Des années. Mais tu veux te faire croire qu'elle ne l'a jamais fait. A se redresse, les coudes posés en arrière. C'est vrai qu'une nana comme ça, grande comme les terriennes, aussi sexy, je n'en avais jamais vu jusqu'ici. Il n'y en a pas deux sur cette planète. De merde. Quoi ? Cette planète de merde. Oui, cette planète de merde. A fixe le ciel à l'horizon, boursouflé de nuages rouges. Dès que mon visa arrivera, je m'en irai d'ici. Je m'en irai pour toujours. J'irai vivre sur Terre. B est en train de parler à A. On les entend vaguement. Puis ils ouvrent la porte et entrent chez A. Petit appartement désuet, décor sobre, presque inexistant. Dans la chambre de A, A prend sa guitare. Vas-y. C'est gentil. Non, bravo, vraiment. Je ne veux pas être pessimiste, c'est pas mon genre. On peut se jeter à l'eau si tu veux. Elle prend ton numéro, allez, 10%. Elle t'appelle, 5%. Elle accepte de le faire, 1%. On peut rester sur ce 1% si ça te dit. Ok. Alors ? Imaginons qu'elle accepte de le faire. Ok. Et ? J'ai oublié ce que je voulais dire. Non, j'ai perdu le fil. Sorry. Il regarde son téléphone portable. Ah oui ! Ça me revient. Vas-y. Imagine, elle te dit « Très bien, allons le faire. » Ok. Tu as un endroit où le faire ? Tu as un endroit où le faire ? On ira à l'hôtel. Ils vous donneront jamais une chambre sans attestation de mariage. Ce sont des amis d'un ami. Je paie un supplément et c'est au cas. Il ferme les yeux. Ah oui. Lit extra large pour deux personnes, avec un bon matelas à ressort. Pas le matelas puant de mes parents. Un bon matelas qui rebondit bien. Une salle de bain propre. Pas celle de la maison, pas celle qui dégouline d'humidité. Et en plus, on est tranquille. Il n'y a pas de voisin qui pourrait tout rapporter à mes parents. Un autre soir. Sortie de cour des garçons. La terre, petite dans le ciel, au loin. Elle va arriver d'un instant à l'autre. Et voilà que mon corps se met à trembler. Lui qui a toujours été d'un courage exemplaire, toujours stable, sûr, voilà qu'il remue comme un poisson hors de l'eau. Et cette main, autrefois si forte, tremble tellement qu'elle manque de faire tomber mon numéro de téléphone. C'est pourtant l'occasion rêvée. Le moment précis où on a trouvé, comme on dit, la femme de sa vie. celle qu'on veut pour l'éternité. Celle avec qui j'aimerais partir de cette planète. Celle avec qui j'aimerais aller vivre là-bas, sur Terre. Elle arrive! La fille arrive, poursuit sa route, disparaît. Mais pourquoi tu lui as pas donné le bout de papier? Tout est sur les rails. Le triomphe vient vers moi. Wouhou! À force de la fixer comme ça, elle a fini par te jeter un regard, mais... Elle est super sexy, super sexy, super sexy. Mais le regard, comment dire... Quoi? Quel genre de regard c'était? Un regard, je dirais... puissant. Un regard de terrienne. Non mais quel genre de regard c'était? C'était pas un regard méprisant par hasard? Tu t'attends à ce qu'elle me regarde passionnément peut-être? Mais elle ne me connaît pas. Ça ne serait pas correct. Elle t'a jeté un regard par réflexe, parce que tu n'as pas arrêté de la fixer. Et quand elle t'a vu... Oui. Vas-y. Quand elle t'a vu, eh ben elle a... Elle a quoi? Elle a froncé les sourcils. Comment? Elle a clairement froncé les sourcils. Tu ne l'as pas vu? Non. Non? Si, mais... C'est normal. L'inverse aurait été anormal. Tu veux que je te dise un truc? Dis toujours. Cette fille ne l'a jamais fait. Elle est vierge, vierge, vierge. Et elle est pour moi. Tu verras. Sept. Début de soirée. A et B marchent dans la rue qui mène à l'école française. Et si tu la voyais soudain, maintenant? La fille? Oui. Oui? Réponds. Mais tu n'as pas posé ta question. Bah, qu'est-ce que tu ferais si tu la voyais là, maintenant? Très bonne question. Très, très bonne question. Je lui demanderai de me suivre. Pour... Je ne comprends pas. Pour aller... Pour aller le faire? Non. Si, si. Je lui demanderai de me suivre pour qu'on aille le faire. Elle te suivra pas. Tu verras. Si ça marche bien avec elle... Tu serais prêt à laisser tomber tes projets de départ pour la Terre? Aucune idée. Vraiment aucune idée. Ça va? Ça va? Ne te retourne pas. Tu sais qui je suis en train de voir, là? Vas-y. La nana. Qui? La nana. Ha ha ha. Très drôle. Je t'assure. Elle est assise dans le jardin. A se retourne un instant. Mais c'est... C'est... Huit. Devant le jardin qui jouxte l'école. Tu la vois toujours? Oui. Tu es sûr que c'est elle? Presque. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est assise sur un banc. Elle lit. Elle nous a vus? Je crois pas. On peut feindre de se promener tout en nous dirigeant vers elle. Non, non. Non? Non. Voilà, ça reprend. Les pieds qui tremblent, le corps qui se glace, le signal, automatique, intégré au moteur. Pas besoin de l'enclencher, ça se bloque de lui-même. Tout s'arrête automatiquement, pas besoin de freiner. Ça ne m'était jamais arrivé avant, jamais. Allez, viens. B le tire par le bras et ils entrent dans le jardin. Ils avancent vers le banc où se trouve la fille. A est livide. Qu'est-ce que t'attends? Sors ton numéro de téléphone. Ce n'est pas le moment. Je risque de la déranger. Mais non, elle fait que feuilleter son cahier. Je ne le sens pas. Tu sens pas quoi ? Le moment. Je ne sens pas le moment. Si, si. B s'approche du banc. Bonjour. Donne-moi ton bout de papier. Je ne le trouve pas. Le voilà, tiens. B tend le petit bout de papier à la fille qui feint de continuer de lire son cahier. Le petit bout de papier glisse soudain des doigts de B sur le cahier de la fille, puis par terre. A recule, suivi de B. Ils prennent la sortie du jardin en accélérant. C'est la pire des choses qui pouvaient arriver. C'est ton bout de papier qui était trop petit. C'est pas de ma faute s'il a glissé. Tout est foutu. Le bout de papier est devant ses pieds. Elle ne l'a peut-être pas remarqué. Elle a tout vu. Elle est quand même pas aveugle. Elle fait comme si de rien n'était. Ça m'énerve. Non, mais... Tu as détruit en 2 minutes ce que j'avais préparé depuis 2 semaines. Non, mais... Tu as tout bousillé, tout. Oh, calme-toi. Take it easy. Je savais pertinemment qu'elle n'allait pas le prendre. J'en étais sûr, ce n'était pas le moment. Slow down, mon vieux, slow down. Le papier est par terre, juste devant ses pieds. Elle n'a qu'à faire un mouvement pour le prendre. Il suffirait qu'elle se penche et hop, elle attraperait un cœur. Un cœur de jeune homme, rien que pour elle. Il suffit d'un geste et c'est bon. Un geste anodin. Un geste qu'on fait tous les jours. Un geste anodin qui aura des conséquences pas anodines. Tu peux discrètement aller voir si elle l'a pris ou pas. B va discrètement à l'entrée, revient. Alors ? Non, elle l'a pas pris. Elle est toujours assise ? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait ? Oui. Je demande, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle lit son cahier comme une statue. Avec le bout de papier devant elle ? Oui. Neuf. A dans la nuit de sa chambre. Juste une ampoule allumée au plafond. On aperçoit une guitare posée contre un mur. De sa fenêtre, on voit la terre dans le ciel, lointaine. Il fume une cigarette devant un téléphone. Peut-être que je sourirai plus tard de ce que j'écris maintenant, mais là, à présent, je n'ai pas du tout envie de rire. Je suis là, dans ma chambre, sur Platonion. Ce soir, il y a une très belle vue sur la Terre, petite, mais lumineuse. Je n'arrive pas à dormir. Je sais que c'est stupide, mais le corps ne tient pas allongé. Il veut se lever. J'ai l'impression d'entendre des sonneries de téléphone dans le silence de la nuit, mais ça n'a aucun sens. Il faut dire que le bout de papier n'était plus devant le banc quand on est sorti du cours. On a cherché une bonne demi-heure dans le jardin, derrière le grillage et même dans la cour d'à côté. Le bout de papier ne s'y trouvait pas. De là à dire qu'elle l'a pris, c'est une autre affaire. En 2 heures, le bout de papier a pu aller loin. J'aurais dû faire l'expérience, au lieu d'être dans le doute comme ça, j'aurais pu mettre un bout de papier et voir ce qu'il serait devenu au bout de 2 heures. Bon, je ne l'ai pas fait et me voici là. Le téléphone sonne soudain, doucement. A attend, livide. Puis, d'une voix blanche... Allô ? Salut. Salut. Continue en français ou... En français. Je déteste ma langue maternelle. Ah bon? Pourquoi? Je déteste Platonion. Pour un tas de raisons. C'est bien toi qui a... Oui. Bon. Eh bien, si tu détestes Platonion, tu détestes les Platoniniennes aussi. Non, attends. Excuse-moi, j'ai été maladroit. Je m'appelle A. Et toi? Allô? Je m'appelle M. C'est très joli, M. Merci. Ah, c'est bien aussi. Merci. Tu as finalement pris le bout de papier? Oui. Tu as hésité? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis content que tu m'appelles. Tu as quel âge? 17 ans. Et toi? Bientôt 18. Tu peux attendre un instant, s'il te plaît? Il s'allonge et tire totalement la couverture sur lui. Voilà. Il continue de parler au téléphone sous la couverture. On peut parler. Au coin d'une rue. A, élégamment habillé, attend la fille en fumant une cigarette. Il jette parfois des coups d'œil à sa montre. La fille arrive enfin. Il se salue sans se toucher. Salut. Salut. Je croyais que c'était avec ton ami que j'avais rendez-vous. Quoi ? Je croyais que j'avais rendez-vous avec ton ami. Celui qui m'a donné le numéro de téléphone. Non, c'est moi. C'est bien moi. Tu veux qu'on se promène ? N'importe. Tu vas à l'école française depuis longtemps ? Depuis ma primaire, oui. Pourquoi ? J'ai vécu sur Terre quelques années. En France. Waouh ! Dans quelle ville ? À Paris. À Paris ? Oui. Waouh ! Dans quel quartier ? Pas loin de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel ? Oui. Waouh ! De ma chambre, on voyait la Tour Eiffel. Waouh ! J'allais souvent me promener en dessous. C'est très grand, on ne dirait pas, mais c'est très grand. Et il y a toujours du vent. Tu as vécu combien de temps à Paris ? 9 ans. Tu as le passeport français, alors ? Oui. Je ne t'avais jamais vu avant, à l'école française. J'allais dans un institut de langue depuis mon enfance. Mon père a toujours peur que les terriens envahissent Platonion et qu'on soit obligé de nous exiler sur Terre. Tu me diras, il a pas tort. Il y a de plus en plus de terriens dans la station spatiale. Qui sait ce qu'ils préparent pour notre pauvre petit peuple ? Ils ne sont pas méchants, ne t'en fais pas. Ils sont bien plus éduqués et agréables que les Platoniniens. Si tu savais ce qui se passe sur Terre, tu ne dirais pas ça. Il y a des viols tous les jours. Les terriens sont pires que les animaux. En fait, les animaux sont nettement plus agréables que les terriens. Il y a des centaines de viols par jour sur Terre. C'est-à-dire un mâle qui attaque une femelle. Les animaux ne le font que dans des périodes très sensibles. Les terriens le font tout le temps. Ce sont les fous de Platonion qui racontent ce genre de bêtises. Comment se fait-il qu'ils ne viennent pas vivre sur Platonion, mais qu'ils travaillent sur nous, analysent nos cadavres, décortiquent nos manières de vie, épient nos coutumes dans leur station spatiale. Ils n'ont pas à s'excuser d'être plus intelligents que nous. Leur cerveau est mieux formé que le nôtre, c'est un fait. Leur cerveau est déformé, oui. Mais regarde comment ils envahissent Platonion de machines venant de la Terre. Ils ne mettent les pieds sur Platonion que pour tester ce qu'ils ont sur Platonion. Ensuite, ils analysent nos manières de les utiliser. Tu te trompes de A à Z. Il y a 10 ans, il n'y avait pas une voiture sur Platonion. Il y en a 10 milliers maintenant. Ils veulent que Platonion devienne la Terre. Comme ça, ils pourront venir y vivre sans être dépaysés. Je vais te dire quelque chose. En tout cas, je suis content que tu aies intégré l'école française. On va prendre un verre en face ? Oui. Oui ? Oui. Dis Oka, c'est plus cool. Oka. Bonjour. Ils entrent dans un salon de thé, commandent 2 boissons et 2 gâteaux. Je... Vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. Non. Vas-y, toi. Je... Merci. Je suis très content que tu aies appelé. Moi aussi, je suis contente. Je t'ai suivi du regard pendant des semaines. C'est vrai ? Oui. Mais tu ne faisais pas attention. Tu remarquais que je te regardais ? Non. Non. Non. Tu as une voiture ? Comment ? Tu as une voiture ? Oui. C'est bien. C'est pratique. Oui. C'est une quoi ? Comment ? La marque. Ah ! C'est une... Benz. Waouh. C'est bon. Très. Que fait ton père ? Il est businessman. C'est bien. Et ton père ? Il a une boutique. Ah, c'est bien aussi. Une boutique de quoi ? De vêtements d'occasion. Ah. Tu as des hobbies ? J'aime bien... les films comiques. Ah. Je pleure facilement de rire. Ah. Vous habitez dans quel quartier ? Quoi ? Vous habitez dans quel quartier ? Dans quel quartier tu habites ? J'habite à VV5. VV5 ? Oui. C'est le plus beau quartier de la ville. C'est ce que l'on dit. C'est un appartement ou une maison ? Quoi ? Vous habitez dans un appartement ou une maison ? Une maison. J'aime bien l'endroit. Oui, ça doit être super. Tu as des frères et des sœurs ou tu es fils unique ? Je suis fils unique. C'est bien. Je ne m'en plains pas. Tu veux faire quoi après ton bac ? Couture. Ah, c'est sympa. J'aime bien. Et pourquoi couture ? Pour recoudre les vêtements d'occasion de la boutique. Ah, ok. Et toi ? Je veux faire des études de philosophie. J'adore la philosophie. On va se promener ? Ok. A fait signe au serveur qu'il veut l'addition. S'il vous plaît. M feint de sortir son portefeuille. Non, c'est moi qui... Oh, merci. C'est normal. A paie. Ils sortent du salon de thé. Quelle heure est-il maintenant ? 19h moins 10. Il faut que j'y aille. Je te raccompagne. Ils marchent un moment. A et M s'engagent dans une rue qui donne sur une avenue où les voitures, phares allumés, roulent en trompe. Non, ne traversons pas là. Quoi ? Non. Mais pourquoi ? Il l'attire vers lui, sort une cigarette qu'il allume. Il s'arrête, regarde l'horizon. Pourquoi ? Il y a quelques jours, j'étais ici. J'attendais pour traverser, un peu en retrait. C'était un soir. Il y avait une pluie printanière. Quelques mètres devant moi, il y avait un monsieur, maigre, avec un chapeau. Un chapeau melon, comme on dit en français. Il regardait les voitures. Je le voyais de dos. Il était là, comme une ombre. Et il y avait les phares des voitures, comme maintenant. Les voitures qui roulent vite, comme maintenant. Je n'étais pas sûr de voir ce que je voyais à cause de l'éclat des réverbères et des ombres qui s'agitaient dans le soir. Mais la forme qui était devant moi s'est avancée vers la route. Doucement. Sereinement. Puis soudain, j'ai entendu le choc, lointain et proche, d'un corps heurtant le métal. Des phares de voiture ont assuré l'obscurité. Je ne voulais pas le croire. Je me répétais, c'est un animal, un animal, un animal. Puis j'ai vu, sorti de l'obscurité, le chapeau melon rouler sur l'asphalte. Je t'aime. A et B contemplent en silence la terre, grande mais pas immense, en face d'eux. Il y a un peu de vent. C'est toujours impressionnant quand la Terre est comme ça en face de nous. Ça l'est encore plus quand elle est énorme. qu'elle prend tout notre champ de vision et qu'on a l'impression de pouvoir la toucher de la main. Dans ces moments-là, je ressens combien Platonion est une petite planète. Ça me perturbe. Il paraît que les terriens n'ont pas la propension naturelle que nous avons à nous suicider. Il y en a qui le font, mais c'est une minorité. Ils n'ont pas le truc chimique qu'on a dans le cerveau. Et surtout, ils ont des médicaments plus efficaces. Ils sont plus développés que nous. Ça n'est pas comparable. Platonion n'est rien par rapport à la Terre. Il vaut mieux ne pas y penser. Rien qu'y penser serait une provocation au suicide. Tout leur a été donné comparé à nous. Tous deux contemplent la Terre en silence. Mon rêve, c'est de la prendre avec moi et d'aller sur Terre. Ne plus rester sur cette maudite planète. Partir avec la fille ? Elle est vraiment bien. Elle ne fausse pas le jeu. Elle habite à côté et elle ose le dire. À côté ? Au Cap B3. Et elle me le dit franchement. Elle n'a pas honte, elle est très sincère. C'est rare. Dis-moi, j'ai un service à te demander. Vas-y. Tu aurais 20 000 ponfis à me prêter ? 20 000 ? A et M se promènent dans une galerie marchande. Tu viens souvent acheter ici ? Comment ? Tu viens souvent acheter ici ? Oui, souvent. Et toi ? Non. Ça coûte trop cher. Vous avez une résidence secondaire pour les vacances ? Comment ? Vous avez une résidence secondaire pour les vacances ? Oui. C'est bien. J'aime beaucoup le mascara sur tes cils. Merci. À vrai dire, j'aime beaucoup tes yeux. Pardon, je ne voulais pas... Non, non. Tu lis beaucoup ? Oui. Surtout des magazines féminins. Et toi ? Je lis beaucoup, particulièrement. Oh, ces ballerines sont magnifiques. Oui ? On entre pour les voir. Ok. Ils entrent et en ressortent un peu plus tard avec un autre sac. Merci beaucoup. Je t'en prie. Quelle heure est-il ? Il marche un peu. 17h30. Tu dois rentrer ? Non, non, pas du tout. Tu fais du sport ? Non. J'aime les hommes qui font du sport. Mais ben j'en fais pas. Je voulais pas te fâcher. C'est rien. M se tourne vers une vitrine. Waouh ! Regarde ! Quel jean ! A se dirige vers elle. Tu le trouves vraiment beau ? Il est super. Il coûte un peu cher. Les jeans coûtent toujours cher, parce qu'ils viennent de la Terre. On n'a toujours pas d'étoffe sur cette planète pourrie. Un autre pour le voir ? Si tu veux. Ils entrent. Ah, regarde le jean. Alors ? Bof. Je peux le voir sur moi ? Tiens. Oh, il est juste magnifique. Regarde les poches. Oh, je l'aime tellement. Attends-moi dehors. D'accord. Mmh. C'est pour toi. Vraiment? Merci beaucoup. Je t'en prie. Je veux te dire quelque chose qui vient de mon cœur. Je t'aime. Moi aussi. Il marche vers la sortie. Tu es venu avec ta voiture? Comment? Tu es venu avec ta voiture? Non, j'avais peur d'avoir un problème d'essence. Quoi? J'avais peur d'avoir de l'essence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voiture a un problème d'essence. Ah. Dans un parc. Il marche sans se regarder. C'est quand qu'on ira chez toi? On ira un jour. Je veux voir ta maison. On ira bientôt. Je veux que tu viennes me chercher avec ta voiture et qu'on aille chez toi. Ma voiture est cassée. Mais on ira... Chez toi. Chez moi. Elle se tourne vers A et lui sourit. On pourrait y aller quand tes parents n'y seront pas. Et je te ferai quelque chose de très coquin. Oui. Mais là, ma mère est à la maison. Il y a un peu de vent. A et M sont en haut d'une colline. Ils observent la terre dans le ciel, proche et grande. Ils ne disent rien. Pas trop fatigué? J'ai pas l'habitude de grimper. Pourquoi tu m'emmènes ici? On a une vue imprenable sur la terre d'ici. Regarde comme elle est immense. Oui, mais on peut la voir de partout. D'ici, la vue est magique. Elle est quand même plus belle que Platonion. Tu trouves? Tout le monde dit que Platonion est horrible. Tous les terriens le disent, oui. C'est une réalité. Mais tu peux m'expliquer pourquoi t'es comme ça? Il n'y a pas de pourquoi. Je déteste cette planète. Je déteste la langue de cette planète. Je déteste les gens de cette planète. Leur inculture, leur bassesse, leurs mensonges, leur faiblesse. Tout est pourri ici. C'est là-bas, sur Terre, ils nous haïssent. Non. Ils nous prennent pour des extraterrestres. N'importe quoi. À cause de la couleur de notre peau, de notre accent, de tout. Mais tu dis n'importe quoi. Ce sont les fanatiques de Platonion qui répandent ce genre de rumeurs. Mon père dit toujours que la chance de sa vie, tout de même, c'est d'être né sur Platonion. Celui qui naît sur Platonion ne peut plus mettre les pieds ailleurs, dit-il toujours. Si les Terriens n'avaient pas été là, s'ils ne nous avaient pas apporté leur technologie, Platonion n'aurait pas été aussi agréable à vivre. Tu as déjà vu des Terriens en vrai? Oui. Ceux de la station spatiale? Oui. Je crois que ce sont les seuls qui sont ici. J'en ai vu deux. En début d'année, dans un restaurant. Et? Et quoi? Tu les as trouvés... Beaux. ils sont beaux. Ils ont la peau toute blanche, ils sont grands et ils sourient beaucoup. C'est ce que je te disais. Ils sont très aimables et agréables. Ils ont le devoir d'être aimables. Ils ont le devoir d'être agréables. Ils sont chez nous. On leur permet de faire des recherches sur notre planète. S'ils ne sont pas aimables, ils peuvent repartir. Soit ils aiment Platonion, soit ils la quittent. Mais tu viens de dire qu'ils sont aimables. Tant qu'ils restent corrects, tant qu'ils baissent la tête, ne font pas de bêtises, travaillent pour notre bien-être, ça passe. Après, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font dans leur station spatiale. Si ça se trouve, ils fabriquent une bombe pour pulvériser Platonion. Pour le moment, ils n'ont fait que du bien ici. Et il paraît que l'un de ces terriens de la station spatiale s'est marié avec une fille de Platonion. Ah bon ? D'après ce qu'on dit, ils ont eu un enfant il y a quelques semaines. Le bébé a 3 yeux et pas de nez. Ils savent pas quoi faire. Ils l'ont envoyé sur Terre pour voir s'ils peuvent faire quelque chose là-bas. Un matin pluvieux. A et M marchent dans la rue en parlant. J'espère que je vais faire bonne impression. Quoi ? J'espère que tes parents vont m'aimer. De quoi tu parles ? De tes parents. On ne va pas à la maison. Ah bon ? Non. Ils marchent un moment en silence. Puis ils s'arrêtent devant le lobby d'un grand hôtel. Voilà, c'est là. Quoi ? C'est là. Pourquoi un hôtel ? Parce que chez moi, ce n'est pas possible. Mais je veux voir ta maison. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Mais parce que mes parents ne veulent pas. Ne veulent pas quoi ? Ne veulent pas... Je comprends pas. Mes parents ne veulent pas que je sois dans ma chambre avec une fille. Ils disent que je suis trop jeune pour avoir une copine. Mes parents ne seraient pas contents de me voir avec une fille, c'est tout. Tu peux comprendre ? Tu peux comprendre. De toute façon, sans certificat de mariage, personne ne te laissera entrer ici avec une fille. Mais si, c'est possible. C'est notre hôtel. C'est l'hôtel de mon père. Il n'y met jamais les pieds. Je connais tout le personnel. Ils sont à mes ordres. C'est l'hôtel de ton père ? Oui. Il me l'a donné. Il t'a donné son hôtel ? Oui. On entre ? Elle le suit sans rien dire. Ils suivent le couloir de l'hôtel qui mène à leur chambre. Ils entrent dans la chambre et l'examinent. C'est bien ici. Tu ne connaissais pas la chambre ? Si, tout est à moi ici. Moi aussi. Quoi ? Moi aussi, je suis à toi. Approche-toi. Encore. Tu aimes que je t'embrasse comme ça? Oui. Je vais te faire quelque chose. Tu peux descendre ton pantalon? M enlève le pantalon de A et commence à le prendre dans sa bouche. J'aime bien faire ça. Tu peux venir dans ma bouche. Je te plais pas? Si. Qu'est-ce que tu as alors? B dans un café. T'as l'air pensif? Non. Everything gonna be alright. Le serveur apporte les boissons. Merci. Alors? Comment ça se passe avec la fille? M. Oh, c'est joli, M. Comment ça se passe avec M? Ça va. C'est tout? Pour l'instant, c'est tout. Tu veux pas en dire plus? Je n'ai pas grand-chose à en dire. Elle te plaît? Oui, oui. Le serveur apporte les pâtisseries. C'est la semaine prochaine? Le visa? Oui. Normalement. Et tu comptes partir? Oui. Avec elle? Non? Vous voyez encore? Oui, oui. Mais tu... Mais qu'est-ce que tu essaies de me faire dire? Dernière note sur le sol de Platonium. Je pars dans quelques heures. C'est la nuit. Je suis assis sur un banc du parc près de l'école française. Dans mon dos, la terre monte doucement, de plus en plus grosse. Mes deux valises sont à mes côtés, la guitare contre ma jambe. Je regarde Platonium une dernière fois. Et loin, je sens, et chaud, et loin. Deuxième partie. Quelqu'un allume une ampoule basse consommation. La lumière se diffuse progressivement. On voit peu à peu A dans une toute petite chambre. Par la fenêtre, une lointaine planète, Platonion. Première note sur Terre. Voilà, je suis sur Terre depuis presque un mois. Tout s'est bien passé. Je vis un rêve. Les gens sont heureux ici. Heureux et agréables. Ils ne ressemblent pas aux platoniniens. Tout le monde vous sourit dès que vous allez à leur rencontre. C'est assez déconcertant. Le premier soir, lorsque je suis arrivé à l'hôtel, la dame de l'accueil m'a souri. Je dois vous avouer que j'ai failli l'inviter à monter dans ma chambre. Quelle bourde ça aurait été. Ici, les gens se sourient naturellement, sans arrière-pensée. Il faut que je me mette ça dans le crâne. Dans mon petit crâne venu de Platonion. Mon petit crâne de merde venu de la merde qui restera de la merde. Autre remarque. Personne ne se fie à ma couleur de peau ici. Pourtant, tout le monde voit que je viens de Platonion. Ma petite taille, mon teint bleuté, mon accent. Tout le monde le sait, mais personne dans ce beau pays ne m'en veut. Aucun Français ne m'a dit que je prenais sa place. Au contraire, j'ai même trouvé un camarade de classe. Maurice. Je lui ai dit que je venais de Platonion. Je m'attendais à ce qu'il prenne ses jambes à son cou, une fois confirmé ce qu'il devait bien supposer. Pas du tout. Il m'a avoué qu'il ne savait rien de Platonion. À part qu'on la voit, bien sûr, les soirs quand il n'y a pas de nuages, parfois de très très près, et souvent de loin. Il m'a posé quelques questions. Je n'avais pas envie de parler de Platonion. Je ne veux plus parler de cette planète de merde. Mais bon, je l'ai fait pour sympathiser. Les filles, elles sont extraordinairement belles ici. Elles me laissent sans voix. Il ferme ses rideaux, puis éteint la lumière. Sortie de cours. A se précipite vers Maurice, qui discute en marchant avec une étudiante, Anna. J'ai la choucroute, c'est bon. Maurice ? Oui ? Bonjour. Salut. Je m'appelle A. Moi, c'est Anna. Vous allez prendre un café ? Je peux venir avec vous ? Non, mais on sortait, c'est tout, en fait. Je peux venir avec vous ? Ouais, bien sûr. Vous étiez en train de parler ? On devait peut-être savoir de quoi on parlait aussi. Maurice, arrête, ça va. Non. Je voulais juste dire que si je vous gênais... Non, mais ça va, c'est bon. Tu viens de Platonion ? Platonion. Ah oui, c'est ça, j'arrive jamais. Oui. Et ça fait longtemps que t'arrives en France ? Un peu plus d'un mois. C'est tout ? Oui ? Bah, tu parles hyper bien français. Félicitations. A marche dans les couloirs de l'université. il aperçoit Maurice. Je voulais m'excuser pour l'autre jour. Non, c'est rien. J'étais de mauvaise humeur aussi. En dépression ? Quoi ? Tu étais en dépression ? Non, on dit plutôt déprimé. Tu étais déprimé ? Qu'est-ce que tu racontes ? A entre dans sa chambre, baigné de la lumière de Platonion qu'on voit immense à travers la fenêtre. Il allume sa lampe de bureau. Deuxième note sur Terre. Le pire, évidemment, ce sont les week-ends. Les étudiants rentrent chez leurs parents. Il n'y a plus personne dans la résidence universitaire. Des dizaines de petites chambres vides, comme des nids d'oiseaux sans oiseaux. Juste moi, l'oiseau bleu. Dans la résidence d'en face, en revanche, les étudiants restent. C'est le bâtiment des étrangers. Les responsables de l'université voulaient me mettre là-bas, mais il n'y avait pas de place. Toutes les chambres étaient déjà occupées par des terriens venus d'autres pays. Des étrangers moins étrangers que l'étrange étranger que je suis. J'ai l'impression que ces étrangers me détestent à cause de ma peau bleue. Quand ils discutent entre eux devant l'entrée de leur résidence, les soirs de week-end, j'essaie de ne pas sortir, même si je dois aller faire les courses. Pour tout dire, les week-ends, c'est un peu le monde des rêves dans ma petite chambre. Je rêve, surtout d'Anna. Je la vois assise à côté de moi en cours, main dans la main avec moi sous la tour Eiffel, couchée dans cette chambre, à la plage, dans les bois, partout ensemble. Il allume une cigarette, la fume peu à peu, puis s'installe à son bureau, la cigarette toujours à la main. Il déchire d'un cahier une feuille blanche. Il la coupe en deux, puis encore en deux, et ainsi de suite, jusqu'à avoir un tout petit bout de papier. Il prend son téléphone portable et note. 0653 473 122. J'oublie toujours mon numéro. Elle n'aura pas l'occasion de l'oublier, elle, une fois que je le lui aurai donné. Déjà 23 heures. Il faut que je me couche. Il se couche sur son lit et éteint la lumière. Platonion est dans le ciel, proche, immense. En se levant brusquement. Satané Platonion qui ne me lâche pas. Il ferme les rideaux. Même à travers les rideaux fermés, je vois sa lumière. Mais est-ce vraiment sa lumière ? Ou est-ce moi qui imagine sa lumière transparaître ? Devant la bibliothèque universitaire. A en train de fumer avec Maurice, qui regarde son téléphone portable. Je trouve que Anna est très jolie. Elle est vraiment très belle. Maurice regarde son téléphone portable sans rien dire. Non ? Maurice regarde son téléphone portable sans rien dire. Elle a un joli corps. Maurice regarde son téléphone portable sans rien dire. Surtout les seins et les fesses. Bon, je crois que je vais rentrer travailler un peu. Ah, le retient. J'aimerais bien discuter avec Anna. Mais soit elle est avec toi, Soit elle est avec ses copines, je n'en ai jamais l'occasion. Maurice, garde le silence. Je n'ose pas aller vers elle. Je veux dire, à cause de, comment dire, ma différence. Et je me dis qu'elle n'apprécie peut-être pas. Maurice, garde le silence. Tu en penses quoi ? Mais ça me regarde pas. Tu en penses quoi ? Et je peux pas être dans la tête des gens. Je peux pas savoir ce qu'elle pense de toi. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle ne m'a jamais parlé de toi. Puis il y a mon accent. Je sais pas. Elle n'avait pas l'air très intéressée quand je lui ai dit que je venais de Platonion. Elle n'est plus venue me voir les jours suivants. Et quand je l'ai vaguement saluée de la tête l'autre jour dans l'amphi, j'ai eu l'impression qu'elle a évité mon regard. Maurice garde le silence. Tu en penses quoi ? Je sais pas quoi te dire. Il y a très peu de platoniniens sur Terre. Et encore moins en France. Mais tu pourrais essayer d'en trouver. Tu pourrais te faire des amis plus facilement parmi les tiens, ceux avec qui tu as une histoire commune. Tu pourrais peut-être trouver une fille qui vient de ta planète. Vous comprendriez mieux. Je sais pas, c'est une hypothèse. Vous pourriez parler de votre planète, de vos espoirs sur Terre, de vos buts, de vos éventuels soucis. Je sais pas. Je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais ça me semble logique. Tu pourrais sortir de ta solitude si tu trouvais une fille de ta planète. Vous auriez le même accent, la même couleur de peau, enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu crois que je fais fuir les filles? Je veux dire les filles françaises? Mais non, non, pas du tout. Juste que c'est plus simple de se lier à quelqu'un qui a la même culture que soi. Maurice. Maurice se tourne totalement vers A. Je maudis Platonion. Je hais et déteste et vomis la culture des platoniniens. Je ne veux plus jamais avoir la moindre relation avec cette planète. Je ne veux plus jamais entendre son nom. Non mais tu viens de Platonion. Tu peux pas tirer un trait sur ton histoire. T'en as les marques sur ton corps, tu en as l'accent, les comportements, la façon de voir les choses. Quoi que tu fasses, il y aura toujours une part de Platonion en toi. A, garde le silence. Tu comptes rester en France combien de temps ? Je ne veux plus repartir sur Platonion. Je croyais que tu venais juste pour faire tes études. À la cafétéria de la faculté. Maurice prend un café avec Anna. A arrive, va s'asseoir, voit Maurice et Anna et se dirige vers eux. Salut. Salut. Ah, salut. Tu nous suis ? Non, non. Il s'assoit à leur table, à côté d'Anna. Je ne vous dérange pas ? Laisse tomber, Anna. Ça va ? Ça va, merci. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu de près. Quoi ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Et tu allais la voir souvent ? Ah non, non, non, c'était totalement fini. Ah, carrément ? Non, mais écoute, c'était plus tenable. Fallait attendre dehors devant tout le monde en la suppliant d'ouvrir la porte. Tout ça pour lui donner à manger, non merci. Autant qu'elle crève de faim. Et c'est ce qui s'est passé à la fin. Elle a crevé de faim. À force de frapper à sa porte devant les gens, on finit par se faire remarquer et c'est très gênant. Il y a même un type qui est venu me demander si j'avais plus de toit, si c'était mon petit ami qui m'avait laissé à la rue et si je voulais venir loger chez lui. Et ? Ah bah j'y suis allée, évidemment. J'allais pas rater une occasion d'être hébergée gratis. Et tu vis toujours dans sa chambre ? Quelle heure il est ? -10. Et tu revois ? Pardon ? Ah, il demande si tu revois la vieille que tu aidais. Non, elle est morte. Non, le type. Tu revois le type qui t'hébergeait ? Maurice fait non de la tête, les doigts sur le front, dans un geste d'abattement. Bon, je crois qu'on va y aller. Vous avez pris Wittgenstein ? Oui. Oh là là, ça avait l'air si compliqué que j'ai laissé tomber après le premier cours. Maurice, je vais aux toilettes, je te rejoins dans l'amphithéâtre. Ok, ça marche. Ils se séparent. 27. A sort des toilettes de la cafétéria. Revient vers Anna qui lit un message sur son téléphone portable. Il s'assoit à côté d'elle. Tu vas pas en cours ? La tête peut exploser avec du Wittgenstein à 9h du matin. Ça se passe bien avec ton copain ? J'ai pas de copain. Le gars avec qui tu vis ? Ah non, mais c'est pas vraiment mon copain, on vit plus ensemble. J'ai mon petit studio maintenant. Tu as quel âge ? Pourquoi tu ris ? Je sais pas, c'est ton style direct, disons. Pardon ? Non, arrête, c'est amusant. Tu me donnes combien ? Tu as besoin de combien ? 5 euros ? 10 euros ? 20 euros ? Non, je dis, tu me donnes combien dans le sens, quel âge tu me donnes ? Ah, je ne sais pas, 17 ans ? 18 ans ? 18 ans. Et je vais m'acheter une voiture. Ah ouais ? Une Benz. Mercedes, tu veux dire ? Oui, Mercedes. Ah bah c'est super, tu pourras tous venir nous chercher, nous emmener à la fac, comme ça. Ah. Et tu te plais sur Terre ? J'aime beaucoup. Tes parents sont restés sur ta planète ? Oui. Ils te manquent pas ? Non. Rien ne me manque de Platonion. C'est drôle. Tu veux qu'on aille voir les boutiques ? Tu veux dire faire les boutiques ? Comment ? On dit faire les boutiques. Tu veux qu'on aille faire les boutiques ? Oui. Non, rassieds-toi. Je disais juste oui, on dit comme ça, faire les boutiques. Mais pour faire les boutiques, là, à 9h du mat, non. Et en plus, c'est pas vraiment mon truc. Encore moins quand j'ai pas d'argent. J'ai de l'argent. Pardon ? Je peux t'acheter ce que tu veux. Je peux t'acheter tout ce que tu veux. Non, mais c'est gentil, ça va aller, t'inquiète. Soir. A dans sa chambre d'étudiant. Platonion est visible à travers la fenêtre, ni très grande, ni très petite. Troisième note de ma nouvelle vie. Les filles sont très belles sur Terre. Du moins, en France. Mais Anna a ce quelque chose de particulier qui vous met tout de suite KO. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est sa façon naturelle, à la fois sexy et naturelle. Quand on la voit à la faculté avec son décolleté ouvert sur le début de ses seins, on a toujours l'impression qu'elle a oublié de fermer un bouton. Non pas qu'elle l'a fait exprès, mais qu'elle l'a manqué. Et c'est ce petit bouton, oublié et inutile, posé sur le pli de sa chemise, c'est ce petit bouton négligé qui fait l'extrême sensualité de cette fille. Et lorsqu'on regarde l'échancrure de sa chemise, on a l'impression qu'elle se laisse voir. Elle ne vous en veut pas. Elle remarque qu'on regarde dans son corsage, mais elle continue de rire et de parler. Elle fait comme si de rien n'était. Comme si tout cela allait de soi, comme si tout cela était naturel, comme si le contraire était anormal. Et c'est précisément ce qui rend Anna encore plus belle, encore plus généreuse, encore plus rare. Il ferme son cahier, s'allonge dans son lit et éteint sa lampe. Dans le ciel, Platonion est plus visible que les autres planètes. J'aurais tant aimé qu'elle soit moins indifférente à mon égard. Il se soulève soudain et ferme nerveusement le rideau de sa fenêtre. Saleté de Platonion. fin de cours. Anna et Maurice sont assis l'un à côté de l'autre. Ils rangent leurs affaires en discutant, comme les autres étudiants. A attend devant la porte. C'est maintenant ou jamais. Anna et Maurice sortent de la classe en discutant. A se dirige vers eux d'un pas déterminé. Salut. Anna, est-ce que tu pourrais me prêter ton crépuscule des idoles jusqu'à demain? Oui, si tu veux. Pendant qu'elle prend le livre, la main de A s'ouvre, puis se referme discrètement au-dessus du sac à dos. Tiens. Anna lui donne le livre. Merci. Je te le rends demain. Mais t'as vu? Ben non, quoi. Ah, il a glissé un bout de papier dans ton sac à dos? Non. Si, t'as pas vu? Mais non, j'ai pas vu. Regarde. Attends. Elle se met à fouiller dans son sac à dos. 0653-473-122-A. Elle montre le bout de papier à Maurice. 0650. Quoi? C'est son numéro de portable. Non. Si. Attends, il a mis son numéro de portable dans son sac. Ah non. C'est fou. Soir, bibliothèque universitaire. A et Anna assis à une table. Leurs affaires sont posées sur la table. Oh là là, ils sont même pas ouverts les dimanches. Elle est super cette BU. J'aurais aimé qu'il y en ait de semblables sur Platonion. Il n'y a pas de BU chez toi? Non. Bah comment vous faites? Tiens, ton livre. Tu l'as lu? Un peu. Tu ne m'as pas appelé? Quoi? Tu ne m'as pas appelé? Je devais le faire. Tu n'as pas trouvé mon... Non, rien. T'as l'heure? Non. Faut que j'y aille. Elle se lève, met son sac à dos, prend ses deux sacs de livres. On peut aller prendre un verre, là? Ah, écoute, j'ai beaucoup de choses à faire ce soir. Je t'accompagne. Je prends tes sacs. Mais non, c'est bon, je peux les prendre. Je veux t'aider. Mais je suis pas handicapée. Laisse-moi faire. Il prend les sacs d'Anna. Allons-y. Ils sortent de la bibliothèque. Tu as des frères et sœurs? Attends deux secondes, faut que je réponde à un texto. Non mais c'est bon, on peut continuer à marcher. Il marche pendant qu'Anna écrit son texto. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut contourner cette avenue? Je ne veux pas la traverser. Pourquoi? Il allume une cigarette. Il y a quelques jours, je rentrais de la faculté en début de soirée. Il faisait déjà sombre. Il y avait une petite pluie de printemps. J'étais juste ici, derrière un monsieur qui portait un chapeau melon et qui attendait au bord de la route. Son costume sombre se mêlait à l'obscurité du soir. Les voitures filaient à vive allure, comme maintenant. On ne voyait que leurs phares. Puis soudain, il y eut un mouvement devant moi. Aussitôt suivi d'un choc qui a brisé l'équilibre de la soirée. Je me répétais, un animal. C'est un animal. C'est un animal. Puis j'ai vu un chapeau melon sur l'asphalte. Bon, écoute, ça m'embête un peu, mais si t'insistes... Un soir, dans le studio d'Anna. Il est bien ton appart. Hein? Maurice, A et mal, Anna bien. Ont terminé le dessert. Ouais, mais tu l'as bien aménagé. Ils sont toujours à table, assis de manière décontractée. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai, il est bien. Ils fument et boivent du vin. Tu veux du vin? Ah, je veux bien, ouais, volontiers. Merci. Ah, du vin? Oui, s'il te plaît. Je te remercie. T'as des nouvelles de Georges, Anna? Il m'a appelé hier. Je parie qu'il a pas eu. Bah c'est ça. Il va retenter le coup. Bah voilà, exactement. Il t'a raconté ce qui s'est passé ou pas? Comme d'hab. Entre nous, je vois pas comment il pourra s'en sortir. That will be hard, man. Tu veux lui dire quoi? Franchement, s'il demande mon avis, je lui dirai de continuer. Mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il se vexe dès qu'on lui dit la vérité. Ah ouais. Moi aussi, je vais lui dire de foncer, hein, de continuer. Ouais. Je vais peut-être en parler à Ernest. À Ernest, il y pourra rien. Je l'ai vu l'autre jour, il veut même plus en parler. À cause du bébé? Bah, bien sûr, lui en parle pas, hein. La susceptibilité dans leur gène. Et Georges va les voir de temps en temps? S'il n'est pas en train de retenter son examen, il papillonne de soirée en soirée. Je crois pas qu'il ait le temps de se poser quelque part. C'est un peu... A se lève. Ouais, papillon de nuit. Exactement. Pourquoi il va dans la cuisine? Je sais pas. Attends, il revient. Pourquoi tu mets la poubelle sur ta tête? Continuez, je vous en prie. Le même soir, dans le studio d'Anna. Maurice et A sont partis. Le studio est rangé. Anna fume une cigarette en regardant le vide. Ah, c'est toi ? Excuse-moi, j'ai oublié mon téléphone portable. Bon, ben, salut. Tu veux prendre encore un verre? Oui. De l'eau ou du vin? Du vin, s'il te plaît. T'as raté ton bus? Je crois. Si tu veux, tu peux rester ici. Est-ce que tu crois aux esprits? Non. Non ou... Non. Non. Pas 100% alors. On ne peut jamais être sûr à 100%. Et toi, tu y crois? Ouais. Et parfois, j'ai le sentiment de les sentir autour de moi. Comme tout à l'heure, quand vous êtes partis tous les deux. Ils sont revenus autour de moi, ils m'ont touchée. Il prenait toute la place. J'avais plus de place pour moi ici. Tout le studio était rempli d'esprits. Et quand t'as sonné, ils ont disparu. Aussitôt. Vide. Légèreté. Respiration. Dès qu'il y a une autre présence humaine que la mienne, ils partent. Je suis content de t'avoir aidé. Il y a des choses étranges dans la vie. Tu sais que les platoniniens se suicident au bout de quelques années? Je crois avoir entendu ça, ouais. C'est curieux. Je veux pas être indiscrète, mais... Comment ça se passe? Tu ressens constamment le besoin de te suicider ou ça vient d'un coup? Le besoin d'en finir est constant, mais en arrière-plan. Il augmente jusqu'au jour où il devient tellement puissant qu'il te fait de l'ombre. C'est là qu'il te prend par la main et t'oblige à passer à l'acte. Et ça arrive à un âge particulier? Les platoniniens vivent rarement au-delà de 40 ans. La durée de vie moyenne est de 30 ans. Évidemment, ce n'est pas une généralité. Il existe toutes sortes de cas. Il y a des bébés qui se suicident. Non. C'est assez impressionnant. Ils s'étouffent en mettant leurs mains en coquille sur leur bouche et leur nez. D'autres, plus grands, se frappent la nuit dans leur lit pendant que leurs parents dorment. Il y a beaucoup de cas comme cela, à différents âges. C'est affreux. Elle met sa tête dans les bras de A. Puis elle se redresse. Leurs visages s'approchent. Ils s'embrassent longuement. A commence à déboutonner la chemise d'Anna. Il suffoque déjà. Attends. T'as un préservatif ? Non, mais... Il s'approche d'Anna et l'embrasse. Je n'ai rien, ne t'en fais pas. Tu l'as jamais fait avec une Africaine au moins ? Non. Jamais. Ils éteignent la lumière. Jamais. On voit Platonion au loin, tout petit. Le lendemain matin, dans le studio d'Anna, il retombe sur le clic-clac, encore essoufflé. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. C'est différent d'avec les terriens ? Non, non, c'est marrant. Qu'est-ce qui est marrant ? Je sais pas, le fait de le faire avec un platonicien. C'est différent ? Non, non, c'est pas différent, c'est une expérience. Mais quand même, c'est un peu différent. En fait, le fait de se dire qu'on le fait avec un platonicien, c'est... Ouais, c'est différent. Je pourrais pas te dire en quoi, mais c'est différent. Et je voudrais que ce ne soit pas différent. Je voudrais que ce ne soit absolument pas différent. Chambre universitaire de A. Voilà. Cela fait 3 semaines que je suis avec Anna. Ma vie prend enfin une direction. Une bonne direction. On se voit la plupart du temps chez elle. Parce qu'ici, tout est trop étroit. Elle n'aime pas. Elle dit que l'université devrait avoir honte de proposer ce type de logement à ses étudiants. Je lui ai dit que c'était vrai, et elle a paru contente de m'entendre dire cela. Alors j'ai rajouté, on pourrait faire une manif. Et elle a éclaté d'un merveilleux rire. Mon petit platonicien qui devient français, a-t-elle susurré en m'embrassant par petites touches sur la bouche. Les mains derrière ma tête. Ses seins dans sa robe jaune se frottaient à mon torse. Il allume une cigarette. Regarde le vide, les jambes croisées, un sourire amoureux aux lèvres. Dans un parc de jeux désert. Ils font de la balançoire comme des enfants. Cela dure un moment. A arrête de se balancer mais reste sur la balançoire. Anna ? Ouais ? Est-ce que je ressemble aux Arabes ? Quoi ? Est-ce que je ressemble aux Arabes ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. C'est ta question. Alors ? Anna arrête de se balancer, mais reste sur la balançoire. Physiquement ou ? Physiquement. Bah non, je trouve pas. Ton teint est bleuté, c'est pas pareil. Est-ce que je ressemble aux Français ? Pourquoi tu ris ? Je sais pas, comme ça. Et quoi ? Je ressemble aux Français ? Mais non, évidemment que non. T'es bleu, je viens de te le dire. Tu ressembles ni à un Arabe ni à un Français. Tu ressembles à un platonicien. Parce que tu es platonicien. Trente-six. A et Anna. Restaurant vide et chic, en banlieue parisienne vide et chic. Le personnel du restaurant nous regarde. Quoi ? Tout le monde me regarde. C'est les serveurs. Les cuisiniers arrivent aussi. Ils continuent de venir ? Ils se mettent devant le perron et me regardent, sans parler. Ils sont malades ? Ils n'ont jamais vu quelqu'un de différent ? Ils sortent un à un, en tablier, et ils me fixent du regard. Bon, mange comme si de rien n'était. J'ai plus faim. Je vais appeler le serveur pour leur demander de dégager. Non, laisse-les. C'est des salopards. Ils continuent ? Ils sont une vingtaine maintenant. Sur deux rangs. Ils me fixent comme des chouettes. Bon, écoute, on va y aller. De toute façon, ils me dégoûtent. Pas eux spécialement, l'être humain en général. J'ai honte d'être un être humain. J'ai honte d'être une terrienne. Il suffit de voir les représentations que se font les gens des ovnis et des extraterrestres venus d'une autre galaxie pour cerner leur façon de voir l'autre. Les extraterrestres sont toujours des semi-monstres. Pour l'homme, l'autre tient du monstre. Il ressemble à peine à l'homme. Juste une touche pour être comparable et définissable. Il faut que l'autre soit un monstre pour que l'homme soit rassuré d'être ce qu'il est. Chez les parents d'Anna, devant la porte d'entrée. T'es prêt ? Oui. Non. Attends. Ma cravate ? Elle est bien mise ? C'est parfait. T'es adorable. Allez. Ma chérie, ça fait si longtemps. Bah, tu sais, avec la fac, c'est de plus en plus difficile. Je te présente A, mon petit ami. Bonjour. Bonjour. Elle tire Anna sur le côté. Tu sais qu'on n'a pas l'habitude de faire entrer des étrangers à la maison, et encore moins des extraterrestres. Je ne sais pas ce que vont en penser ton père et tes frères. Ils t'attendent dans le salon. Maman, je t'interdis de dire que mon copain est un extraterrestre. Mais entrez donc. Ils entrent dans le salon. Salut papa. Salut les débiles. Bonjour ma fille. Oh, elle est drôle. Salut. Ouais, salut ma grande. Alors, comment va ? C'est le train de midi ? Je vous présente A, mon petit ami. Ton petit ami. A et Anna, dans le studio d'Anna. Bon, on va partir en vacances. On pourrait aller sur une île. Il y aurait moins de monde. On pourrait être tranquille. Vivre et faire l'amour. T'en penses quoi ? Mon amour, t'en penses quoi ? Silence de A. Tiens, regarde ce site. bungalow de rêve, île Canarie, 1200 euros la semaine. On pourrait y aller. Pour oublier ce pays. Ne plus penser aux autres, ne pas se voir dans le regard des autres. Être soi-même. Prendre plaisir à être soi-même. Redevenir léger. Qu'est-ce que t'en penses ? Silence de A. Mon amour, qu'est-ce que t'en penses ? Silence de A. Anniversaire d'Anna. Les amis d'Anna. Ilse, Théa et Georges, Maurice et Martha, Ernest. Tout le monde est plus ou moins enivré. Merci pour ton invite. Je t'en prie. Alors, je te présente Martha. Salut. J'ai entendu dire que tu étais partie aux Canaries. Bah ouais, on y est allé avec toi. C'était génial, c'était calme, c'était adorable. La nature, le silence, les vagues, la cuisine, on a bien mangé, je vais te dire. Tu m'étonnes. On en avait besoin, je te jure. On était fatigués, on était moralement épuisés. Maintenant, on voit tout sous un autre angle. On est plus souriant, plus ouvert, plus généreux, plus compréhensif. En fait, on est en forme. Enfin, en tout cas, t'es tout épanouie, hein, merci. Ça se voit. Merci, t'es bien bronzée. Bonjour Maurice. Ah, mais pourquoi tu te caches derrière Anna ? Je ne me cachais pas. Ah, on aurait dit, hein. Mais c'est toi qui ne me vois pas. On va ouvrir. Allez vous chercher un verre. Ok, ça marche. On voit quoi, Martha ? Hey, hello. Salut, ma belle. Joyeux anniversaire. Merci Ernest, ils sont magnifiques. Alors, t'as ton studio maintenant ? Bah ouais. C'est quand même plus petit que dans mon loft. C'est vrai. Quand est-ce que je t'invite à venir prendre un verre chez moi ? Je te présente A, mon petit ami. Ah. Salut, moi c'est Ernest. Et toi ? Ah. Sympa. T'es à la fac avec Anna ? Oui. Cool. Tu viens d'où ? De Platonion. C'est où, ça ? Platonion, la planète. Ah oui. Waouh. T'en as fait du chemin. Oh, vous savez, quand on veut, on peut. On fait tout pour atteindre le but. Je ne voulais plus rester sur Platonion, je n'en pouvais plus. Je regardais la Terre du matin au soir avec le désir d'y arriver, pour y vivre. Ça n'est pas si loin après tout. Et j'aime beaucoup la Terre. J'ai vécu presque 18 ans sur Platonion et je peux vous assurer que ce n'est pas la joie. Tout est trop compliqué. Ici, même si tout n'est pas parfait, c'est beaucoup mieux. Enfin, je trouve. Et vous, vous faites quoi dans la vie ? Moi, oh. Je dessine. Allez, bonne chance. Pourquoi il s'en va comme ça ? Non, mais t'inquiète, c'est un papillon de nuit, Ernest. Il a une autre teuf, c'est sûr. J'ai vu la haine briller dans ses yeux dès que je lui ai dit que je venais de Platonion. Non, tu te fais des idées, mes amis sont sympas. C'est un sale gars. Mais arrête, il est comme les autres, ni pire ni meilleur. Ça swing bien, hein ? Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt réussi, non ? Et toi, comment ça va ? Je me trouve fatiguée après toutes ces préparations. Non, ça va. En fait, je suis hyper contente de vous voir tous ici. Et t'en es où ? Toujours de gars en gars ou célibataire ? Ça va ou quoi ? Ça te regarde pas ! Je suis avec A. Avance un peu. Dis gentiment bonjour. Bonjour. Il comprend le français ? Mais oui. Bah, toutes mes félicitations. J'ai fait l'école française de Platonion. Oh, très bien. Et vous êtes ensemble ? On est ensemble. Tu as d'autres questions de merde à poser ? S'il te plaît, ce sont mes plus vieux amis. Excuse-toi poliment. Excuse-toi poliment. Mais où tu vas? Il en fait qu'à sa tête. C'est vraiment particulier, les étrangers. Hein. Je peux l'imaginer. Je vais le chercher. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tes amis me détestent. Il y en a qui ont pourtant l'air si gentils qu'on a envie de se jeter sur eux pour les embrasser. Même si eux n'aimeraient surtout pas. Ils préfèrent faire un signe à un ami imaginaire ou prétendre d'avoir soif pour s'éloigner de moi. Mais tu dis n'importe quoi. Ce sont des gens bien. Il y en a même qui ont des amis étrangers. Ils sont pas comme ça. Hé, hey, ça va ? Putain, c'est cool que tu sois venue. Attends, c'est super chouette. Encore merci pour l'invite. Bonjour. Je te présente à mon petit ami. Ah oui, c'est ton petit ami. Mais ouais, on sort ensemble depuis quelques semaines. Tu viens de quel pays ? Je viens de Platonion, la planète. Tu viens de l'autre planète ? Oui. Ouah, je rêve d'aller à Platonion. C'est vrai ? Oui, ça doit être si différent d'ici. Très dépaysant, j'imagine. Les platoniniens aussi, j'en avais jamais vu de ma vie. Enfin, maintenant, si. C'est la première fois. Tu peux le toucher si tu veux. Mais vraiment ? Oui, approche-toi. Ah oui ! Et regarde, en plus, il est musclé. Montre gentiment ton torse. Ah. Ah oui, il est bien fait. La peau bleutée, c'est marrant. C'est tout le corps ou juste... Devant un amphithéâtre de l'université. A se dirige vers Maurice. Je peux te parler, c'est important. Là, maintenant. On peut sortir fumer une cigarette. J'ai un exposé à faire pour cet après-midi. C'est important. Maurice ne dit rien. C'est important, s'il te plaît. Maurice ne dit rien. S'il te plaît, c'est important. Maurice ne dit rien. C'est important. Ok. Maurice se lève. Tous deux fument une cigarette devant la bibliothèque. Il pleut. Quel sale temps. Maurice ne dit rien. Et toi, comment ça va? Ça va. Des nouvelles? Non. Tu as passé un bon week-end? Oui. Tu aimes tous les cours? Oui. Allez, salut. Dernière note. C'est le soir. La chaussée est trempée. Il y a une petite pluie printanière. Je vais marcher seul à travers les rues. Bientôt, j'entendrai les voitures qui traverseront le boulevard. Je m'arrêterai J'allumerai une cigarette en observant les véhicules passer en trompe devant moi. Puis, lentement, j'avancerai vers le boulevard, vers le bruit de plus en plus proche des voitures. Alors, quelque chose basculera dans l'équilibre de ce soir printanier. Un bruit qui avalera soudain tous les autres bruits. Celui du choc de mon corps contre les voitures. Une porte se referme. C'était « L'éveil du printemps » de Hayat Fayez. Avec Thibaut Mulot, A. Thomas Sagols, B. Lynn Thibault, M. Fanny Touron, Anna. Clément Laguarde, Maurice. Donatien Guillot, P. Juliette Croizat, la mère d'Anna. Bertrand Farge, le père d'Anna. Léonard Pathé et Geoffroy Peverelli, les frères d'Anna. Jean-Paul Bézina, Ernest. Clémentine Bernard, Martha. Julien Aluguette, Georges. Anne-Sophie Picard, Théa. Céline Coulpier, Ilse. Et Élodie Hubert. Bruitage, Élodie Fiat. Guitare, Bertrand Durand. Équipe de réalisation, Claude Niort, Marie Le Peintre, Vivian Demeyer, Jean-Mathieu Zande. L'éveil du printemps de Hayat Fayez, édition de l'Arche. Thank you.